Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce mag sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi du côté de la Croix en Touraine. Nous sommes en ligne avec Karine Del Rio. Alors Karine, elle est adjointe au maire de la Croix en Touraine et elle va nous parler d'un événement qui va avoir lieu tout prochainement à la Croix. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos compétences communales? Vous êtes adjointe, mais qu'est-ce que vous faites à cette mairie de la Croix en Touraine? Alors, je suis adjointe au maire, puis surtout en charge de tout ce qui est événements et manifestations et aussi autour de la communication. Et j'ai une autre élue qui m'a chargée, parce qu'elle s'occupe de la partie saison culturelle, de faire la promotion d'un prochain événement qui arrive le 30 mars à la Croix en Touraine. Alors oui, c'est un événement, c'est le point virgule qui fait sa tournée. Tout à fait. Le point virgule fait un petit tour par la Croix en Touraine. C'est le point virgule fait sa tournée. Donc c'est avec trois humoristes, avec trois univers complètement différents. Donc on a cette chance de les accueillir dans notre salle des fêtes au Centre Lorrain à la Croix. Donc le samedi 30 mars à 20h. Voilà. Donc c'est pas souvent qu'ils viennent dans le secteur et on est très content qu'ils viennent sur la Croix. Et oui, c'est parce que effectivement, on lisait un petit peu le pitch, mais la plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses coups de cœur, les actuels et futurs grands de l'humour. Est-ce qu'on a les noms de ces humoristes en question? Alors, il y a Hakim Amori, oui. Aude Alisque et Amut Coquer. Donc, trois artistes qui sont en montée, voilà, nouvelle génération d'humoristes. Donc, l'occasion de venir les découvrir et puis de peut-être les faire monter encore plus. Ah, vous savez de quoi il traite un petit peu ce spectacle? C'est peut-être trois petits one-man shows finalement? C'est différents one-man shows, voilà, en espérant qu'ils aient suffisamment de public pour pouvoir entraîner et amener l'humour avec tout le monde. Mmh. C'est vrai que le point virgule, je pense que ça parle quand même. Je pense. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui est bien connu sur Paris. Voilà, Paris qui vient à la Croix en Touraine, c'est une chance, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut venir. Voilà. Mmh. Oui, puis le point virgule, c'est vraiment une ruche. Hein. Il y a bon nombre d'artistes qui échangent et travaillent étroitement ici avec ce lieu, évidemment. Donc, on imagine que c'est prometteur. Eh bien, on espère beaucoup. On espère beaucoup. Et puis, nous, c'est aussi l'occasion de faire découvrir un type de saison culturelle. Voilà, on a fait le cabaret l'année dernière. On a fait plutôt un chanteur l'année dernière. Donc, on tourne un peu plus sur le comique cette année. Donc, voilà, on essaye de toucher un peu à tout pour faire découvrir ces saisons culturelles à la Croix. Mais oui, on se souvient de la venue d'Erkan, notamment, chez vous. Tout à fait. Erkan qui était aussi un artiste qui monte et qui se fait connaître. Et voilà, on était très contents de l'accueillir à la Croix. Ah oui, tout à fait. Et puis peut-être qu'on aura prochainement l'occasion de rééchanger ensemble, puisque je pense que la fête du parc aura encore lieu cette année. Alors, fête du parc le dimanche 2 juin, donc toute la journée avec différents événements. Et puis ce week-end, nous avons aussi la plantation de pommiers, donc qui est un événement plutôt participatif avec Florence André et puis les croqueurs de pommes, où on complète notre espace roseraie avec des vieux pommiers. Ah, les croqueurs de pommes qui justement travaillent pour faire perdurer certaines espèces et notamment sur du greffage. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire de samedi après-midi. Donc si les gens sont intéressés par le greffage et puis participer à cette plantation, on les accueille avec grand plaisir. Super. On va revenir du côté du point virgule, donc ce spectacle qui aura lieu le samedi 30 mars. Donc vous nous avez dit que c'était à 20h au Centre Lorrain. Quels sont les tarifs pour pouvoir assister à ce spectacle? Alors le tarif est de 22€, hors tarif frais de billetterie si vous passez par notre billetterie en ligne via Festic. Mm-hmm. Sinon en mairie sur les horaires d'ouverture, il n'y a pas de souci, ce sera 22€. Et puis après ça sera sur place aussi, possibilité d'acheter sa place sur place directement. Très bien. Est-ce que c'est ouvert aux enfants? C'est ouvert à tout le monde, parce que je pense que l'humour s'adresse à tout le monde. Alors enfants à partir d'un certain âge, je pense quand même, parce que faut aussi comprendre l'humour. L'humour des fois décalé, mais voilà, je pense que grands enfants, ados, adultes, il n'y a aucun souci. Très bien. Si nos auditeurs veulent plus de renseignements, ils peuvent les trouver. Alors moi-même, je les ai trouvés sur le site internet, tout simplement. Où est-ce que vous leur recommanderiez d'aller chercher les infos, Karine? Eh ben, vous pouvez aller sur notre page Facebook Mairie de la Croix en Touraine. On a aussi une application Intramuros où il y a pas mal d'infos, Instagram, puis notre site communal. Eh ben, je crois qu'on a toutes les infos qu'il nous faut. Alors la question que je vais vous poser pour clôturer notre échange, c'est qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour les inciter à venir voir ce spectacle? Qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais que l'humour fait partie du quotidien. Ben, venez rigoler, passez une bonne soirée, faites-vous plaisir. Voilà. Le 30 mars, c'est certes le week-end de Pâques, mais on peut toujours sortir en famille et se faire plaisir. Eh bien, super. Merci beaucoup. On souhaite beaucoup de succès à ce spectacle. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles informations concernant la Croix en Touraine. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci Karine Del Rio, adjointe au maire de La Croix en Touraine et qui nous a parlé des petits rendez-vous culturels à venir sur ce secteur. C'est la fin de ce mag. Je vous souhaite une bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.